that time. Girl, you're young, come give it to me, play by play. I can tell you've been bored all day, cause you're young, you still got time, don't waste your time. We be wasting away, oh yeah. It don't matter what you say, yeah, yeah. And that smile gon' take you places, and I know you wanna see some places. Stop looking for love. Girl, you're young, you still got time. Girl, you're young, you still got time. Girl, you're young, you still got. Just stop looking for love. Bienvenue sur The World of Senner, juste après le son de Zayn feat Zayn Still Got Town feat The Party Next Door. Bienvenue. Ça se passe chez vous. Et oui, c'est, ça se passe chez vous, votre émission qui commence 10h, 1 minute, passée de quelques secondes. Vous soyez les bienvenus en ce mardi 19 juin 2018. Alors, on a plein de choses aujourd'hui de prévues. On aura l'éphéméride dans un instant, l'horoscope de Virginie qui est de retour aujourd'hui. Virginie qui arrivera pour 10h15. Il y aura également la chronique high-tech de Joëlicia à 10h30. Joëlicia qui arrivera en cours d'émission, on la retrouvera ouais, dans une demi-heure. Il y aura plein de sons, Maître Gims, Vianney, il y aura... Voilà, on improvise un petit peu en sommaire. J-Dead, Bob Sinclair qui arrive avant 10h15. On aura plein de choses. La météo à 10h45. 11h, ce sera l'heure de retrouver Tati Karine et sa recette pour le 10 qu'est-ce qu'on mange. 11h15, ce sera l'heure de retrouver Michel et son programme télé. Et à 11h30, on retrouvera Kendra et ses actualités de l'agglomération Senner. Alors je vous propose, sans plus attendre, de passer à l'éphéméride. Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.zoradio.net. Bon bah pour l'instant on va l'écouter en direct l'émission vu qu'on n'est pas encore terminé. Oui, l'émission qu'on retrouve chaque jour après un petit peu après une on attend une petite heure et puis on retrouve l'émission en replay. On passe sans plus attendre aux éphémérides. On improvise un petit peu. C'est le speed, c'est le direct, soyez les bienvenus. Si vous êtes un Romuald, un Gervais, une Gervaise ou une Micheline, bah sachez que c'est votre fête aujourd'hui. Les prénoms qui ressemblent, ça compte aussi. Hein. Donc Michelin pour les Michelines, Romuald, il n'y a pas de version féminine pour les Romuald. Enfin, si vous êtes une Romuald féminine et qu'il y a... voilà, je m'excuse et puis vous me le dites sur les réseaux, @AntoineRadio sur Twitter, The Radio Senner sur Facebook, enfin bref. On continue avec les anniversaires de stars. Le chat Garfield du célèbre dessin animé fête ses 40 ans aujourd'hui. La chanteuse Nadia fête ses 45 ans. Jean Dujardin, l'acteur, fête ses 46 ans. Qui d'autre, la femme politique Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et le journaliste Philippe Manoff fête ses 64 ans. Il y a Jérôme Cahuzac aussi qui fête ses 66 ans. Et c'est tout pour aujourd'hui. Blaise Pascal aussi était né un 19 juin en 1623. Donc c'était un petit peu plus avant. Niveau éphéméride aussi, c'était le 19 juin 2000... excusez-moi, on va reprendre. C'était le 19 juin 2007 que le site YouTube avait été lancé en France. Donc bon anniversaire YouTube France. Je vous propose de continuer sans plus attendre avec le son de J-Dead Pancake avant de se retrouver dans un quart d'heure avec la chronique de Virginie, l'horoscope du jour. Soyez les bienvenus sur The Radio Senner. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. little baby, let me be. No time to wait, don't waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste, waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste, waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Baby, let me bake. Avec I Believe, le tout nouveau Bob Sinclair, on l'adore sur Droit de Seigneur, soyez les bienvenus. Vous êtes dans Ça se passe chez vous, il est 10h10 passées de quelques secondes. On va continuer la musique avec Axwell Ingrosso, le nouveau Dreamer. Et juste après, il y aura l'horoscope de Virginie qui arrive pour 10h15 à peu près. Soyez les bienvenus sur Droit de Seigneur, c'est Ça se passe chez vous en direct. Soyez les bienvenus. Guiding light.

show, got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands, so. Le son de David Guetta et Saya sur The Radio Center Flames, c'est ce qu'on vient de s'écouter. Dans un instant, vous bougez pas, on aura Joelixa qui arrive en studio pour sa chronique high-tech. Alors vraiment restez là, c'est hyper intéressant comme chronique je trouve. Dua Lipa qui arrive, New Rules, suivi de Imagine Dragons, Next to Me, c'est ce que je vous cale direct dès maintenant. Soyez les bienvenus sur The Radio Center. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. Pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I got no rules, I count him. pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. Be après le son de Imagine Dragons, Next to Me sur The Radio Center. Soyez les bienvenus, il est 10h31 avec passé quelques secondes. On va retrouver Joëlicia en direct sur The Radio Center parce que ça va être l'heure de la chronique high-tech. La chronique high-tech en ce 19 juin, c'est Joëlicia qui vous la présente. Bonjour Joëlicia. Bonjour Antoine, bienvenue dans votre chronique high-tech. Cette semaine, on parlera de l'implantation du premier atelier numérique de Google à Rennes et des nouvelles fonctionnalités de Google Maps. Ensuite, on parlera de la Gamma Camera CZT qui offrera une imagerie en 3D du corps entier. Et pour finir, on parlera de l'alliance de France Télévisions, TF1 et M6 qui vont lancer une nouvelle plateforme commune de diffusion via Internet de leurs programmes. Et oui, Google a choisi Rennes pour implanter son premier atelier numérique. C'est une première mondiale qui a été inaugurée vendredi 8 juin en présence de Sébastien Missop, directeur général de France de Google France, et des élus locaux. Et l'atelier numérique propose 200 mètres carrés d'espace aux 11 rue de la Monnaie à Rennes, près de la cathédrale. Son objectif premier, ce sera d'accueillir gratuitement tous ceux qui souhaitent découvrir ou tirer parti des outils numériques pour participer à la construction d'une nouvelle économie de nouveaux services. La démarche de Google s'inscrit dans la démarche du gouvernement, celle d'accélérer la transformation numérique et aussi d'y former le plus de gens possible. Par ailleurs, Google Maps devrait bientôt se doter d'une nouvelle fonctionnalité parce que d'après Android Police, la firme devrait bientôt signaler des accidents ainsi que les radars. Tout cela grâce à la firme Waze que Google a racheté depuis 2013. Il s'agit d'un service GPS particulièrement innovant dans lequel il semble pouvoir piocher dans une autre firme. Mais un point d'interrogation subsiste. Mais comment va procéder Google Maps en France, sachant qu'il est formellement interdit d'indiquer la localisation des radars à d'autres conducteurs? Bah, sans doute en reprenant ce que Waze faisait, c'est-à-dire afficher en public zone de danger pour contourner la loi. Et si, parmi les autres services, l'usager devrait se voir proposer des suggestions de restaurants ou d'événements géolocalisés. Continuons avec le service de médecine nucléaire de CHU de Caen, qui a développé avec une société israélienne, Spectrum Dynamic Medical, une caméra unique au monde, la Gamma Camera CZT, qui offre une imagerie en 3D. Elle sera précise et rapide. Une imagerie, ce sera de la tête aux pieds. La société israélienne a développé cette nouvelle technologie voilà près de 10 ans. À l'origine, elle permettait d'améliorer la scintigraphie cardiaque, excusez-moi. Et depuis 2012, le CHU de Caen travaille en collaboration avec la start-up sur la recherche et le développement de cette caméra. Ainsi, la région a accordé une bourse Recherche Innovation Normandie qui a permis la mise en service de l'appareil en octobre 2017. Puis de là est venu des tests ont été réalisés sur les premiers patients en décembre 2017. Puis fin avril, la caméra a été installée dans une nouvelle salle construite spécialement pour cela. Elle a été couplée à un scanner 64 et l'ensemble affiche 5 tonnes. En effet, 5 tonnes, ça pèse vraiment cette caméra. Ce ne sera pas votre caméra de téléphone ou autre, mais ce sera une caméra franchement qui vous permettra d'avoir une vue ensemble sur sur le corps entier, encore plus rapide et plus précise. Et elle sera inaugurée officiellement aujourd'hui. Continuons avec l'alliance de France Télévisions, TF1 et M6 qui s'apprête à lancer une plateforme commune de diffusion via Internet de leur programme. La future plateforme aura pour nom Salto et devrait être accessible pour un abonnement de moins de 5€ par mois. On me dit que ce sera variable, ça pourrait être 1€ ou peut-être plus, ça dépend de ce que vous prendrez. Cette plateforme dite OTT, c'est-à-dire accessible via Internet, ordinateur, tablette ou smartphone ou encore sous certains téléviseurs, permettra de retrouver tous les meilleurs programmes de télévision, le direct, le rattrapage, mais aussi de découvrir de nouveaux programmes selon les nouveaux alliés. La date de lancement et les tarifs n'ont pas été encore précises, mais Salto proposera plusieurs formules d'abonnement pour tenir compte des besoins de chacun et s'articulera de la meilleure manière avec les plateformes existantes, c'est-à-dire MyTF1, Sisplay et France TV. Ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Joëlicia, on te retrouve dans un quart d'heure, enfin même 10 minutes maintenant vu qu'il est 10h35, 10 minutes avant de retrouver la chronique météo que tu nous présenteras. Je vous propose de continuer juste après à une petite transition. Ça se passe chez vous ? Avec vous jusqu'à midi. Et Mais oui, donc on va continuer avec la chronique météo qui arrivera pour toute l'agglomération Seineur. En attendant, vous pouvez continuer de réagir sur les réseaux The Radio Seineur sur Facebook, Antoine Radio sur Twitter et puis The Radio Seineur, non, The Radio 27 sur Snapchat. Alors vraiment, n'hésitez pas, envoyez-nous plein de choses. Dites-nous si par exemple vous passez le bac en ce moment. Enfin, là, il y a l'épreuve d'histoire géo que j'ai vu qui est passée aujourd'hui. Donc vous êtes peut-être déjà sorti et que vous nous écoutez. On vous souhaite vraiment tous dans l'équipe de l'avoir. Enfin bref, c'est l'heure de retrouver Justin Timberlake avec son nouveau son Say Something. Soyez les bienvenus sur The Radio Seineur. On est ensemble jusqu'à midi, 10h36. On est ensemble dans le Ça se passe chez vous. Et juste avant d'en trouver la météo de Joelicia dans 10 minutes. Bienvenue. yo pièce, pas play bad, que moi chose les. Mommy, you are the bullet, you know me are the gun. If them violate you, better no blood I go run. Cause you are the queen, and me are the king. And you know till the end, we go sit down on the throne. Pour fil, pas chaque somme, nous qu'a sorti, nous qu'a pété full tit. Bad Monday, y'a tout connaître à crime scene, Bambi. T'as des shades de jungle concrete. Dance all queen, come see down and wine for the king. Before see another crime scene. Diana Woman Again, soyez les bienvenus sur The Radio Center, il est 10h44 et dans un instant on va retrouver la météo de Joëlicia, bah on veut même la retrouver dès maintenant, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous ? Avec vous jusqu'à midi. La chronique météo c'est avec Joëlicia, bonjour Joëlicia. Bonjour Antoine, bienvenue dans votre chronique météo ce mardi 19 juin. Aujourd'hui dans la commune de Val-de-Reuil, le temps sera nuageux avec une température de 16 degrés mais pas de précipitation. Dans l'après-midi, on aura des éclaircies, il fera beau avec une température de 22 degrés. Le soir, il y aura toujours cette alternance d'éclaircies et de nuages avec une température de 24 degrés. Et dans la nuit, on aura un ciel dégagé avec une température de 18 degrés. Par ailleurs, tout au long de la journée, le temps sera variable, mais aucune précipitation n'est prévue. Et les températures seront stables et plus douces. Il soufflera moins par ailleurs. Et demain, le soleil se lèvera à 5h52 et se couchera à 21h54. Je vous retrouve demain pour de nouvelles prévisions. Merci Joëlicia pour cette météo, on te retrouve demain dès 10h45 pour une nouvelle météo et de nouvelles chroniques. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur, 10h45 minutes. C'est l'heure de retrouver Maître Gims et Vianney avec leur son La Même, juste avant de retrouver Tati Karine avec son Qu'est-ce qu'on mange dans un quart d'heure. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur, c'est Ça se passe chez vous que vous écoutez. On est ensemble du lundi au vendredi de 10h à midi. Et vous pouvez interagir aussi sur les réseaux avec Facebook, The Radio Seigneur, vous commentez, vous nous envoyez des messages. Enfin bref, vous faites un petit peu tout. Sur Twitter, vous réagissez avec le @AntoineRadio, tout collé Antoine Radio Up. Et sur Snapchat, c'est The Radio 27. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur. C'est l'heure de retrouver Vianney et Maître Gims avec leur nouveau single issu de l'album de Maître Gims, La Même, sur The Radio Seigneur. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à midi. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, hey, aïe, aïe, aïe.